enfant de l'univers, passant sur cette terre, troubadour et trouvère, tu vas en pauvre air. Portant rêve et chanson, de maison en maison, en fidèle et chanson d'un plus bel horizon. Ton pain est l'amitié, et l'amour est ton eau, paysage plus beau d'une terre unifiée. Où les hommes sont frères, et où l'enfant est roi, où l'amour est la loi, et la joie la lumière. Où l'homme a l'âme fière, est beau et juste et droit, de parole et de foi, entier dans sa prière. Enfant de l'univers, tu connais des secrets, de tours et de chaumières, de châteaux, de vallées, de joie et de détresse, de passion, de raison, de rêve à foison, de serment, de promesse, chuchoté à la brune dans le creux d'une oreille, à l'amour qui s'éveille sous un rayon de lune. Et deux belles princesses qui, derrière la fenêtre, et sans se faire connaître, te couvrent de tendresse. Enfant de l'univers, n'est pas toujours compris. Qui va sans compromis hors chemin de travers. Né d'un rêve trop grand, d'une immortelle quête, sans rêve de conquête, sinon celle du vent. L'amour a ses revers, tu ne sais pas pourquoi, tu pleures ou restes quoi, c'est la vie à l'envers. Enfant de l'univers, tu reprends ton chemin, efface ton chagrin, continue ton pas vert. De riz en lendemain, ou sous la même flamme, tous les hommes et les femmes iront main dans la main. En ce jardin si vert, nous serons des enfants, les petits et les grands, enfants de l'univers. Les petits et les grands, enfants de l'univers.